Oui. Bonjour, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Salut, salut, salut. Aujourd'hui, on a décidé un peu de venir en live tout mec un peu que sur là, moquer sur ce qui se passe. Et j'aimerais mieux que bon mec un peu que tagué bande comme ce soit basaté. Comme ça, tout mec un peu qu'on analyser sur sujet d'actualité à Mikolo. Je suis aussi, bon, je suis en train d'enregistrer pour notre chaîne YouTube, mais au même moment, Nazali sur Facebook aussi. Je vais continuer parce que ce qui Nazali, ça prendra beaucoup de minutes pour enregistrement d'Abisso pour na YouTube. Donc, Bandeko Bazali libre, je sais que en ce moment ici, Batu Bazali juste Kosi Samisala, et bon, on a décidé quand même to mekakoleka un peu. Au Baboyan en retard pour mes athées, on a d'abissot tant que tu peux poster vidéo sur YouTube. Salut donc, je disais, bon, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet, une fois de plus, le sujet où tu allais aborder Mikolo Oyo, parce que pour moi, ils un sujet d'une grande importance. Donc, la candidature du docteur Denis Mukwege à la présidence de la République à démocratiser hein, du Congo. Et vous voyez bien que je suis passé par beaucoup de vidéos pour vous expliquer ma conviction. Oui, Tindike n'a supporté le docteur Denis Mukwege. Et j'ai expliqué que Ezali fanatisme était, Ezali régionalisme était, Ezali tribalisme était, Ezali patriotisme et conviction d'Angaï, Ezali aussi soutenu par les éléments académiques scientifiques au Nazali Nango sur le docteur Denis Mukwege. A sorti, il y a vision naïe, a sorti, il y a patriotisme naïe, a sorti, il y a amour naïe pour le Congo. Ce n'est pas amour par rhétorique, c'est amour pragmatique. Oyo, ok, sur le terrain, okomona, basigne, disons basigno, il y a amour. Il y a Denis Mukwege na mboka na biso. Okomona ta signe mokote. Il y a Denis Mukwege en Europe. Ke musala na ye asali na Europe. Ou na Amérique ou na Asie. Récemment, comme vous le savez, mes chers amis, il a été mal compris et même accusé de représenter des intérêts des Occidentaux. Mes chers amis, n'a évité parce que Moutouna Moutoua Kendaka classe n'a dingue naïe. Et Moutouna Moutoua comprenaka makambo oyo batangi sakabiso na ba classe n'a dingue naïe. Donc chacun a ses éléments d'analyse. Mais je pense que quand il s'agit, il y a un citoyen oyo a télémi, azali ko défendre mboka na biso, ce n'est pas aujourd'hui que le docteur Mukwege a commencé à défendre l'intérêt à Mboka na biso. Ce n'est pas aujourd'hui que le docteur Mukwege a commencé à aider notre pays. Natango na lobakango toujours, je l'ai dit. Natango batwe belé, ba docteur, ba professeur, tout le monde, bazali na ba bureau na bango IP, bazali ko sala mbongo na bango. Et le docteur Mukwege s'est sacrifié pendant plus ou moins 40 ans. Je dis bien 40 ans. Yako salisa bande konabiso ya basi. Bande konabiso ya basi o bazali victime. Ya batak. Ya ba pays ya bapaya. Oyo bazali victime. Ya batak. Ya bande konabiso mal intentionné ba congolais. Et le docteur Mukwege s'est dit, yé a ko se sacrifié ko traité batouana. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire que bon, kuna pe na hôpital na ye a pandi, là où il travaille, il gagne aussi l'argent. Oui, il gagne l'argent. Mais combien bako yiko tinda batindi yo bon, o lingi mbongo a kende, ko sa yela mbongo na yo na est, si ka bitoumbe zali. Combien bako ndima o kende te? Combien? Même si mbongo ezali kuna salaire ezali, o gagne mbongo kuna. Mais ebele entre biso mokote ya kolinga ko kende ko travailler kuna a kende ko sala mbongo sous ba bombe. Le docteur Mukwege pendant moins 40 ans a kei ko se sacrifier na bande ko na biso ko travailler na bango ko travailler po na bango ko soigner bango. Moi je sais na vandi na Kishasa malade ou akoya malade nyoso ce qui baye non hôpital mama yemo ngaliema bopito nyoso na Kishasa avant ba traiter yo payer d'abord avant ba traiter yo zwa ordonnance ya moyo kende ko luka kisi tel kistel ezala deux fois kisi wana bazana besoin na ngote kisi wana ozana besoin na ngote. Mais bako peso d'abord ordonnance avant docteur ya ko simbayo $100 avant docteur salaboye $200 avant $300 avant ba salaboye infirmier ou ko tobola simbisaye $10 ba aide o bako ya ko lukela yo mwa mbetu ya etokopo ba chayo simbisaye $20. Mais le docteur Mukwege na pandi accepte ses victimes oyo régime en place de Milvor ba bengaka ba frère na bango ba frère na bango tango ba koti na mboka na biso ba bomi ba massacrer ba mama na biso Mukwege les accepte sans demander un $100 un $10 un $20 pour attraiter yo. Vous allez me dire azwakabadon. Oui, azwakabadon. Na Kishasa mama yemo bazwakabadonte, ngali ma bazwakabadonte. Bo pito o ezan na Congo bazwakabadonte, bazwakabadon. Mais en plus ya badon o bazali kozwa, ba kisi wana bazali kozwa ba matériel o bazali kozwa na badon, bazali ko monnaie yango avant ba traiter yo pesa mbongo. Avant ba simba yo pesa mbongo, avant ba pesa yo mbeto pesa mbongo. Le docteur Mukwege pouvait aussi le faire, n'a pas dit. Badon wana a joué yango, a monnaie yango, le kola ba docteur moussousou, ba infirmier moussousou, bo pito moussou, bazali ko sala na mboka na biso na Congo. Mais il ne fait jamais, a sala kango, jamais. Alors, bakisation. Docteur Mukwege Azali représente ba intérêt ya occidentaux. Et si quand on a bandé ko expliquer, je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent intérêt ya occidentaux. Avant na kende ko développer et loko oyo. Mes chers amis, ngai mutu na zolo bena bino sikoyo moi-même. Je suis accusé ya kozala mutu a mindele. Moi-même. Et j'ai vite compris que cette accusation contre le docteur Mukwege qui aza mutu a mindele est allée juste ignorance, illettrisme. parce que ngamoko bakiza nga kozala muta mindele. Donc le fait ya komona photo na ngai na Joe Soros, le fait ya komona photo na ngai na Guterres, le fait ya komona photo na ngai avec un tel président, un tel ministre, un tel mundele, donc ozali muta mindele. Je ne comprends pas. Nazo comprendre-t-il? L'accusation contre Dr. Mukwege, excusez-moi, les gens disent, bon voilà, il a utilisé récemment le mot gender, genre, na discours naïe, inclusion, il y a genre, la politique na biso. Mes chers amis, na posera toujours question oyo, est-ce que tokenda ka classe ou bien tokenda classe te? Classe tokenda ya malunga ou bien malunga te? Ou bien juste une volonté ya kindoki juste pour nuire quelque chose? Oui, on a dit qu'on vient pas. Un homme politique na tango a utilisé ba mot, on peut l'exploiter, mais il faut qu'exploiter en mot avec logique. Avec logique. Soi-disant, bon voilà, Dr. Mukwege, en utilisant le mot gender, a lingi juste à introduire ba valeur au exact contraire na culture na biso, c'est-à-dire, aya kokotsa ba pédé na mboka na biso. Mais dit, na mboka na biso Congo, ba pédé ba zali bi bazati. Moi, je reconnais encore ta ou nazala ki moi na mouke, je pense, na 5e, 5e école primaire, avant 5e primaire. Je connais dans le village, il y avait un monsieur, mais Azala qui pédé. À cette époque-là, Moutoumoko a tiré Kobo Yayete, Azala qui n'a famille naye. Il venait d'ailleurs chez nous, Azala qui camarade, il y a grande sœur Nangaï. Pédé. Alors, lelo oyo ndenge tozali boye batu bazali tozali ko vivre na monde mondialisé, tozali ko bima, tozali ko yoka, tozali ko kota accès internet, tozali ko mona ba mode de vie ya batu ndenge zo salema na monde, et batu oyo bazali faible en esprit bazali ko copier ba modèle de vie oyo bazali ko mona na bisika mususu. La politique, c'est la gestion de la cité. La politique, c'est la gestion de la cité. Alors, Dr. Mukwege en évoqua ces mots gender, genre. Que voulez-vous comprendre par là? Parce qu'il y a un fait dans Mboka na biso. Fait wana ezali. Et le Dr. Mukwege, na terme na ye ya genre, alingi koloba, na pouvoir na ye, soki azui pouvoir, soki topesiye pouvoir, ako neglige moutou mokote tout le monde, azali na droit. Ezala sije wana ezali tabou, epayi na biso. Ezala sije wana to lingi yangote. Ezala sije wana ezali contraire na culture na biso. Mais, bato batetu na bamboka bazali na ba société bazali soki bolobi ke non bato oyo ba pédé balingaka bangote pa na biso to lingaka bangote to lingi culture wana te. Oui, c'est vrai, mais toko sala nini na bato oyo bazali déjà na kati bandeko na biso o bazali déjà na kati ya ba comportement wana, na kati ya mode wana, na kati ya vie wana, toko sala ndenge nini? C'est-à-dire que en tant que gestionnaire, futur gestionnaire ya cité ya mboka na biso, le docteur Mukwege, bien que na ye moko na bomoto na ye moko Peut-être cette histoire au Bozali Koloba, il y a ba gay, il y a ba lesbienne, il y a ba pédé, na bo moto na ye peut-être alingi yango te. Peut-être. Mais ozali gestionnaire, ozali wana, okoma président, ozali président, pona batu nyonso, okosala ndenge nini pona batu wana. Il faut réguler ça. Alors, ce qui est olingi yango te, on passe, on propose une loi. On propose une loi contre Yango. C'est plus simple que cela. Avant de développer cette histoire, ndenge na lobaki Yango, il y a docteur Mukwege, Mutu Amindele. Na yebite si c'est important, na réintroduire qui est le docteur Mukwege. Mes chers amis, je ne comprends pas. Mukwege Azali gynécologue, renommé. Je dis bien gynécologue renommé. Gynécologue qui gynécologue na ye Isaiah Mayu yate. Qui gynécologue na ye Azuya mona kabeyaka mwangate. Qui gynécologue na ye Azui en parcourant un cursus normal, mérité, a commis gynécologue. Docteur Mukwege a consacré sa vie pendant plus de 40 ans à soigner les victimes de violences sexuelles au Congo. Je dis bien au Congo. Panzi, ezali na Congo. Panzi ezali na France te. Panzi ezan na Corée te, Panzi ezan na Japon te, Panzi ezan na États-Unis te, Panzi ezan na Canada te, Panzi ezali na Congo. Travail na ye, sacrifice na ye, au service ya ba mama na biso, ya bana na biso, ya basi na biso, ya ba leki na biso a basi. Asali yango na Congo et batu bobservaka ye ndenga salaka bobservaka ye bobservaka ye bobservaka ye. Docteur Mukwege te mutu a inventa prix Nobel. Na Afrique biso to linganite, au Congo biso to linganite. Le docteur Mukwege devrait recevoir entre guillemets, ce prix Nobel congolais. Mais tellement congolais, linga congolais msoute amata. Vous allez voir toujours bando ki moko bakadiam pemba ba fumbudi kengi moko bako ya juste pour te descendre. Il y a déjà avandi et loko sa les ate. Mais atali nana zo mata. Ah, mutwa nana zo mata tika na kitsaye. Il invente des histoires sans évidence. Batu ba organiza basala prix Nobel. Ba observa qu'à travers le monde Moutou o azo sala moussala, bazan la définition na bango. Qui on peut décerner ce prix Nobel? Bazan la définition de ba critérium na bango. Ba pe sakabato à travers le monde. Ba prix moussousou. Je vous ai dit, docteur Mukwege, prix azui kaka moko te prix Nobel te. Azali na ba centaine, ya ba prix azui. Ba pesa ye prix Nobel pour que ba manipule ye. Ah. Mes chers amis, je vous ai dit que moi j'ai fait enregistrer Komba Mukwege na prix à droit de l'homme na Corée. Donc ba coréen, ba pesa ki ye prix wana ya droit de l'homme pour que ba coréen ba manipule ye. Il y a un problème. Na mitu na biso, il y a un problème. Donc, ce qui est européen, c'est ça qui est prix Nobel pour manipuler. Le prix Nobel s'ajoute à travers le monde juste pour manipuler. Le coréen peut le prix à droit de l'homme pour manipuler. Et nous intervenons pour Makambaboye parce que il y a beaucoup y a bande qu'on a vu à travers notre pays, même la diaspora, au basali faible en esprit. Koyoka mutumoko koloba koloba koloba koyoka biso koloba ba français milai milai ba anglais milai milai et batu au basali faible en esprit, basali kondima. C'est injuste. Docteur Mukwege a eu prix Nobel na ba prix mususu na koyiko tangango awate. Engagement ya docteur Mukwege à la cause ya ba femme ya mboka na biso na bana ya mboka na biso na ba traumatisme et dépasser ba frontière ya RDC ya mboka na biso et azali reconnu mondialement sur base ya musala na ye au Congo. Pour les Congolais. Le docteur Mukwege n'est pas reconnu pour na musala na ye, na ba européen, na mindele, na ba occidentaux, na ba asiatique. Te musala na ye ezali reconnu pour na musala o azali kosala na Congo, pour na ba Congolais. Je ne sais pas. Il faut que vous ayez na cerveau ya ndenge nini pour comprendre, pour to comprendre le Coran. Bon. Droit na mutu nyonso o aboyi ko comprendre parce que ko comprendre les alipe volonté ce ko lini ko comprendre ko comprend ce ko lini ko comprendre te choix na yo volonté na yo droit na yo mais nous on explique qui est docteur Mukwege et pourquoi a commis si kazali ngai j'ai travaillé na koyi koloba banda na longwa na Congo banda na longwa na Congo j'ai travaillé et je travaille na mindele je dis bien j'ai travaillé na mindele toye ko bakisa ba asiatique ba coréen plus précisément. Mais juste cette volonté yakindoki yako descendre batubamati boyoka batubele na kore mousus oh non yombi azamu taba koreyen yombi asalaka na immigration. Yombi afunda kabat na immigration. Yombi asombi voiture pour afunda kabat na immigration. Yombi asombi appartement parce que afunda kabat na immigration. Yombi azali azana magie parce que na mboko yondenge ba yina ba paya boye mutu mwindu baya kolinga ye boye azana magicien. Yombi yo, toujours comme ça et pas ina biso. Ozala pauvre, ozali ndoki. Okoma riche, ozali ndoki. Ozala populaire, ozali ndoki. Ozala impopulaire, ozali ndoki. Au juste. C'est quelle société ça? Mais ceux qui botali les informations sur Yombi na mboka Kore. Vous allez voir que Yombi a yebani na mboka Kore pour na position na ye dure avec le gouvernement coréen. Ezali sur les nets. Je suis le seul, nalobi bien, le seul noir. Le seul noir na mboka Corée. Invité par le Parlement coréen deux fois. Ba image ezali. Soki bolingi appelé la télévision KBS. Ba koye bis bakotindre bino ba image wana. KBS c'est la télévision nationale sud-coréenne. Ba kotindre bino ba image wana parce que nga sona tindi ah non, a manipulé non. Ma image ezali bobenga KBS TV bakotinde la bino ba image wana au parlement deux fois et ce que j'ai dit au parlement ezali ezala ki retransmis en direct ba paye belo ba vanda kore ba lobaki nini oh Moutou makambwa lobi na parlement lelo. Akosa lata in semente bako refoule. Parce que j'ai dit des vérités sur le comportement du gouvernement sud-coréen vis-à-vis de la paya, surtout de la noire, de l'africain. Et je suis connu dans la Corée, dans la marque de posite Wana. La Corée, ce qui m'a bengi M. Yombi quelque part, na télévision, quelque part, na conférence, ils s'attendent toujours à Bayoka à Tosali Lissousounini, M. Yombi. Tosali Lissousounini. Est-ce que nous avons un Coréen? Est-ce que nous avons un Coréen? Na HR na Genève, à l'ONU à New York, j'ai travaillé na Mindele. Ce qui est au na Genève, na HR, Barchi Vezali. Ce qui est au Tuni, à la Banque mondiale. Et Zala chaud sur aide en Afrique, Ngaïna Bango, na Genève. Batu Bazala qui libanda baya, yombia tumbi sal na kati. J'ai questionné ma aide na bango oyo ba prétendu aide ba pesa kabiso. Est-ce que nazali muto mindele? Nanya yo kaka docteur Mukwegete depuis qu'il a commencé sa lutte. Azalaka clair alobaka yango. Il faut qu'on stoppe Rwanda, il faut qu'on stoppe Uganda, il faut qu'on stoppe le pays Oyo. Parce que trop c'est trop. Les victimes Oyo, Nazali qu'on soigne dans l'hôpital, il y a Pandi, Bazali, les victimes Oyo, Batouana, Bazo, côté la biso, Namboka, la biso. Docteur Mukwege, Nazali qu'on l'a boutou moi sur les droits, il y a sol congolais, sur les droits, il y a minéré, la biso. Nanya yo kakayete. Je vous dis personne alors personne. Ce que Zali rhétorique inutile. Mouta Koulaksabino, preuve mon côté. Voici ces documents. Le docteur Mukwege a signé. Dit le mot a signé dans Mindele. Mindele va pesaye pouvoir pour que Mindele va zoabilo. Et nous on dit Mindele va zoate sikoyo. Ou va kolinga va zoate avec le docteur Mukwege. Nini va zoate. Tout va zali kozoa. Tout va zali kozoa. Et nous on dit Mindele. Oyo bazo koka kozoate sikoyo avec Félix. Alors il faut le bat pesa docteur Mukwege pouvoir pour que docteur Mukwege pesa bango yango. Et lokoni. Soyez clair et logique avec vous-même. Ko supporter docteur Mukwege ou ko boya ko supporte ezali droit légitime ya moto nyonso. Droit légitime ya moto nyonso. Mais je n'arrive pas à comprendre bacharnement inutile. Lutte ya docteur Mukwege depuis des années azali ko dénoncer la violence et l'exploitation des ressources de notre pays nanya yo kakayete nanya yo kakayete nga banda na yoka kombo ya docteur Mukwege na yoka ka kombo wana kaka juste na ko dénoncer ba violence exploitation ba minere na biso esika nyoso mindele obozali ko loba ki azali muta mindele esika nyoso mindele ba benga ka ye a dénoncer ka biloko wana esika nyoso. Mais Shalit, ezali pona Congo libre. Shalit, ezali pona pays na biso, ezala libre, ezala pays de justice, nanya yo kakayete. Que voulez-vous à l'oba, à part ce qu'il dit là? Mais il n'a jamais, jamais cessé de mettre en lumière l'atrocité commise en RDC, notre pays donc, malgré le risque personnel. Biso auto vandi misika misika na bakiti na biso confortable na moi internet na biso tozali ko dénoncer mais mukwega zali ko dénoncer ce qui va inviter pas mindele il dénonce en face na bango azongi kuna azali ko traiter ba mama na biso ba victime oyo bango bazali ko causer. Que voulez-vous qu'il fasse? Problème il y a gender, genre. Nauta qui déjà pour expliquer à vous, excusez-moi, pour expliquer à vous. Mon genre est allié invention, il y a docteur Mukwege. Est allié invention, il y a docteur Mukwege. Nauta qui est bisabino que gestion il y a mboka. Il faut prendre en compte tout le monde. Et il faut croire que le docteur Mukwege azali un libéral dans le sens politique. C'est un libéral. Ba libéraux dans le sens politique. Ba se pencha ka mingi sur volet droit humain, droit de l'homme. Peut-être chez nous au Congo, vous voyez des politiciens qui boudiki boudika kaboye politicien. Ala mukaboye poso tout nié. Mais yo pesa tendance na yo politique ezani. Bayebite. Idéologie na yo ezali nini. Bayebite. Lelo, bazali na Félix. Lobi bazalaki na Kabila. Lobi kuna bakomi na Fayulu. Lobi kuna bakeyi epa Katumbi. Après kuna bazongi bakeyi epa Sesanga. Après bakomi kolanda Mukwege. Après. Au juste. Batu moko bazana pensée politique te idéologie politique te oyo bakoyi kolanda ligne de conduite parce que ba politicien politique ezalaka regroupé na ba idéologie à moins que oyé ko inventé ya yo moko ligne de conduite na yo moko mais en tout cas standard ezali ba pensée politique couloir. Comment se comporter face à quoi? Donc je vous dis, le docteur Mukwege est un libéral. Donc, pour n'ayez inclusion, il y a genre, la politique n'ayez, et ça l'est l'eau comme abété. Alors, maintenant, s'il y a des choses oyo biso na mboka na biso to lingité par rapport ya culture na biso. Mais faites-vous élire boke na parlement proposer que to lingi biloko ya boyété. Donc genre ezali juste ba comportement ya batu na société attribué na basi ou bien na mibali voilà batu mususu ba comportement ba voilà a calqué quelque part ou bien à lotine d'otomboko ba lobby ya komi na YPD ou bien influence ya batu mususu na société a komi na YPD. Bokosala nini? Boko sala nini parce que bazana katia famille bazali. Et ça docteur Mukwege mutazo benga bangote. Ba pédé na mboka na biso bazali. Ba exista bandaka la bazalaka. Ce qui to lingi mode de vie wana te na société na biso. Régulez ça. Régulez ça. Savez-vous que loi mboka na biso, il y a aucune loi qui pénalise ba pédé. Exacte. C'est-à-dire que ba pédé, ceux qui bazali bazana droit ya ko vivre kuna parce que aucune loi ou ezali ko interdire batou bazala na mode de vie wana. Exacte. À moins que naibi yango te ba juriste venait me contredire que ezali bo pesa nga article nini. Il y en a pas. Parce que moi, je me base sur traitement, sur demandeur d'asile. Demandeur d'asile congolais. Et belé, na mboka oyo, je travaille pour l'immigration. Non, nazali na kimi parce que nazali gay, nazali lesbienne, nazali pédé, yango na kimi kuna. Mais souvent, on les oppose. La loi congolaise ne l'interdit pas. Alors, il faut qu'on sikoyo yo na cadre humanitaire. Parce qu'il y a des gens qui vont se poser des questions sans base. Que est-ce que va pédé congolais ou va kenakuna bazwa kamukanda te? Oui, il y a des pays bazwa kamukanda. Bazwa kamukanda. Pas sur base, il y a loi congolaise, mais sur juste la culture. Et bon, officier, oh, bazali, un peu compréhensible, bah, pesaka juste, ah, bon, à outi pe moussika, bon, pesaka. Mais, et belé, bazalaka rejeté, parce que la loi congolaise, c'est pexi, gayité. Est-ce que, natango lobikuna, bah, beta kayo, bah, bon, makabino, okenek na la police, te, okenek na tribunal, te, au luka ki protection namboka na yo te parce que votre loi est censée vous protéger parce que loi na bino na Congo ezali ko interdire ba PDT. Alors yo zali PD na Congo mboka na yo mibeko mboka na yo il faut e protéger yo police ya mboka na yo il faut protéger yo. Ba tribunaux ya mboka na yo justice ya mboka na yo il faut protéger yo okenda ki kuna te na kenda ki te. Alors je déclasse les dossiers mais considérant fonctionnement ya justice ya mboka na biso fonctionnement ya la police ya mboka na biso respect ya mibeko ya mboka na biso ba officier immigration mingi balobaka bo voilà. Malgré tout, mboka na ye, loi ezali ko pekisa ngote, loi eko yiko protéger ye en cas de violence contre ye, to pesa ekaka. Mais si la loi, ou je dirais les lois sur la protection des personnes, yaba réfugiés, ce que ezali respecter, bat o bazo outa na Congo ke non naza pédé, bako peso mukandati. Soki bazali kozwa mukanda mawa considération humanitaire ba pesio. Donc genre ezali invention ya Mukwege te. Ezali invention ya Mukwege te. Je ne vois pas comment batu bazwa ko attaquer ye Mukwege alinga kotsa ba pédé na mboka na biso di nakasai kuna ba pédé combien bazali belé na yibi bango ti sekere wa mulumba combien de fois pekisa ki ba pédé wana combien de fois ti sekere wa mulumba a pekisa ba pédé bazalate na ide pesa wana ba pédé bazali. Na gouvernement ya Félix ba pédé bazali ba ministre pédé bazali na gouvernement Félix ba pasteur na bino na gouvernora ya Kinshasa ba pété bazali. Eza mawa mingi vraiment. Franchement, ezali mawa. Mukwege, mes chers amis, naebi sabino, ezali mensonge. Mukwege ezali mutamindelete. Mukwege azui respect. Mukwege azui respect. E pa ya mindele pona musala na ye. Mukwega zui respect et pa ya mindele pona musala na ye et musala wana eza musala saleli mindele te eza musala saleli yo congolais nga congolais musala sali na Congo yango zui respect wana yango bomoni ba prix bazali ko pesa ye ndenge wana est-ce que batu nyonso bazwaka ba prix à travers le monde bazali batu mindele. Parce que na utai kolobango na ibandeli peut-être batumsu baye kaka sikoyo. Moi-même, je suis victime ya kindoki wana. Yombe aza muta mindele. Ba moni photo na ngana jo Soros, yombe aza muta Soros, yombe aza muta mindele sans se demander circonstance nini. Yombe kangisi photo na jo Soros. Ba mwana photo na secrétaire général ya ONU Guterres yombi na Guterres na photo yombi aza muta mindele sans se demander circonstance nini ba kangeli photo wana. Est-ce que nga naza muta mindele? Le fait ya kozwa respect et pas mindele vous fait muta mindele? Je mets en défi tout le monde, mes chers amis. Nalobaki yango, je mets en défi tout le monde. Moutou moko ta koye le bino avec pièce ya papier. Pièce, nalobi, pièce ya papier. Rhétorique te, bla bla bla bla bla te. Papier, ya deal, ya mukwege na mindele. Bon, mindele, batou ba pèse, ba lobi, apèse sa kandidati pour ba pèse pouvoir, pour mindele ba balakandize, mbo kanabiso, mindele ba panza mbo kanabiso. Mensonge! Pour nga pende naza, ah, soye na pèse kandidati, ya okoma président mbo kanabiso. Rhétorique, wana langage wana go ya toujours, yombi aza mouta mindele, bako balance bino a photo, yombi na Jo Soros, yombi na Guterres, yombi na ministre boy, yombi na moutouboy. Et pourtant, moi-même, dans moi-même, je me reconnais que vous avez été mindele. J'ai travaillé dans Mindele, et l'union que vous avez été à Mindele. Dans la diaspora, vous avez dit combien de Congolais qui travaillent avec les Blancs. Donc, vous avez été à Mindele. Donc, si vous avez été à Amazon, na Mindele, vous avez été à Mindele. Si vous avez été à la compagnie, place vous avez été à la bureau, place vous avez été à Mindele, vous avez été à Mindele. En quoi Mukwege est à Mindele? Il a travaillé. Quel dossier a pesi mindele a vu pas ba congolais a pesi mindele a favoriser mindele? C'est le respect. Ceux qui ont un respect ou anate et pas mindele ba ko s'approcher na yote. C'est ça le problème. C'est ça, ils ont jalousie, y a ba congolais jalousie. Ah, mutuana bomoni ye, na mindele, afunda kapat na immigration. Mais soko tuni bango, pesa kombo ya mutu moko, mi balete moko. Mi balete moko, yombi afunda na immigration, bazong sa ye na Congo. Nani? Nani? D'abord, un, yombi ndenga sa awa, ba Congolais bele na Kore. Ba tika ko mona yombi boye na misute, ba mona yete, ba mona ka yombi na television, ba mona ka yombi na ba journo. Boye physique ma ba mon a été. Ce que tu n'y pesa combo ya moutou, yombi a funda na immigration. Ah non, ba yebi sa kinga ba. Balobaki, balobaki, balobaki. Pays ya balobaki, balobaki. Voilà, Mukwege devient victime. Balobaki. Ba moni na ba photo, ba pesier prix Nobel, ba pesier ba prix boy, jalousie koti, balobaki, azam utamindele, pesa preuve, azam utamindele, pesa papier, pesa vidéo, pesa audio, mutamindele, ezate. Ojis to lingi nini pona pays oyo, to lingi nini. To lingi nini. Donc, je demande na bande ko nyonso qui soutiennent le docteur Mukwege, boza la calme. Boza la calme. Le monsieur là Mukwege aza mutamine l'été. Mais Mukwege veut profiter na respect o aza na ngona mindele, po mindele basala kabiso mabe. Et Mukwege alobela kabango yango. Boutou moi, ce qui va yambiye, alobe la kabango yango. Et Mukwege veut utiliser pouvoir oyotolini kope sa ye pour atcha mindele devant un fait accompli. Parce que bangonde ba bénéficiaire, ya ba trouble otozana ngon ambo kanabiso. Et Mukwege veut en profiter pour nako tcha bango devant un fait accompli. Mukwege ne vient pas pour la balkanisation à Mboka Nabiso. Et ça mensonge. Et ça mensonge. Il y a des gens qui ont dit ah, prof, Ozoluka poste. Ya ministre, ozo luka, ya mwana ozo supporte Mukwege. Ah, donc, et pas Félix, na luka ki poste te. Et pas Kabila, na luka ki poste te, na zo luka poste, et pas Félix, et pas Mukwege. Et pas Fayoulou, Ezraïk, ou luka poste te. Mes chers amis, na yebi sa kabino boy. Je suis un garçon très simple na vie nanga. Je souris avec tout le monde. Mais ce qui est en train de logique, sans considération, il y a un détournement, il y a un vol. Je n'envie pas un ministre congolais. Awa esika o ba congolais balinga oyoka biloko la te oyoka miteme vimbi bango e vimbi jalousie keto ekoti. J'ai trois contrats. Loko la professeur d'université. Bon, loko ma vidéo, bako yebi sabino, être professeur d'université na Corée, le salaire c'est combien d'un professeur d'université? Nazan a trois contrats, deux na Corée, moko na Canada. Nazan a contrat avec un pays, y a G7, agent d'immigration, agent au Congo la terre. Agent, il y a vérification sur les dossiers de demande d'asile. Qu'on détermine crédit, il y a demandeur d'asile. Croyez-vous que le salaire est amoké? Ce qui me fait, côté le mapo na mboka na biso, souci à mboka nanga. Je vois Bandeko. Moutou a bella, aspirine fait outre la diaspora. Moutou, ayo kalibou moupasi, qui s'y fait outre la diaspora. Moutou, et loko nyonso, ce qui va ndekwa na bazan ndekwa na diaspora, te, eza passi na passi. Mais pourquoi ne pas donner la chance dans Mbo Kanabiso, même à un instant, eza la bien gouverné. Moi, je ne connaissais pas physiquement Mukwege. À part, ndenge na mona ki na Corée to bengisa ki ya kozwa prix. Physiquement, je ne les connaissais pas. Je n'avais pas de contact na ye. Mais na banayi ko yo kamisala na ye. Na analysé, j'ai analysé. na mboka na biso kobanda kasavubu mubutu balumumba bachisekedi Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila Félix Tshisekedi soko tali bango muke na kolo bakaka mibale oyo quand même balanda moi qui suis sérieux ya kotanga parce que kozala président de la république kozala premier ministre ezali eloko moko esengaka multidiscipline ba discipline ebele esengaka expérience classe expérience parce que okobanda ko traiter ba dossier moko oyo il faut tinda yo ba outil ya analyse pour comprendre et pour zwa décision ya malamu parce qu'en fait garant de la nation ezali yo ba ministre bakoki ko yela yo ba rapport erroné ou bien bazo tcho na libulu mais yo moko soko zali na ba outil d'analyse oko comprendre oko iko rejeter dossier wana parce que yo mutoza garant. C'est pour cela que monaka ba président oyo à part muke kasavubu Laurent Désiré Kabila ba o ba tikali classe ya mayuya classe ya mayuya otozui ya suka awa Félix yekutu donc tolo bati chance loko pamba Joseph Kabila chance loko pamba Mobutu lui eloko ebandeki ko intéressé ye eza pouvoir na ye azana na pouvoir c'est tout les restes eza problème na ye te mais botala gouvernance ya mboka na biso na ba epoko nyonso ba président oyo nyonso eleki ndenge nini alors pensons un peu différemment to changer moke plaçons maintenant un universitaire parce que to meki na ba école buissonnaire chancelier opamba Félix talamboka ndenge komi to meki ba meki si biso Kabila Joseph Kabila talamboka ndenge komi alors to meka moke to pesa à la tête to pesa un universitaire o azali na ba outil d'analyse to meka ko pesa ye parce que lui au moins ba ministre ba koya ko buba yete ba koya ko kosa yete ako analyser ce que azali na motema malamu o azali ko manifester pona ko traiter ba mama na biso te kongole aboti aza muta mindele to pesa yete aza muta mindele ça signifie quoi nani oyo akozwa pouvoir na mboka na biso o akokende kokuta na mindele te nani atombola mosapi na nini boza nango na nini boza nango on ne refuse pas mais dele bazo sala makambo ebele ya mabe pa na biso. Mais il y a des méthodes comme est-ce que tu peux comme ici kawana mindele ba piétiner bisoté. Bon, il y a des ceux qui me disent bon voilà, prof faut changer au komi lisusu probe élection au komi. Mes chers amis, Naeb Sakabino que na vandi Natali, j'ai observé l'empirisme, méthode pananga ezali d'observation scientifique. Na loba yango mboka na biso. Oyo bozo benga révolution populaire. E ko sale maté. Avec quel peuple? Oyo kaka kubanga. Oyo ba politicien ba mesana ko benga bango pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures ba panzeni bazongi na ndako. Révolution e ko sale na peuple ndenge wana. Alors, ce qui est bon, lobby, une opération sporadique. Nani a commené yango. Toti au kosa batu avec moi ba ordinateur na biso, moi ba téléphone na biso na ndako vandi, non révolution, révolution, révolution yo kita kuna tikende kosa la révolution. Révolution basa la kango avec un peuple mature. Un peuple qui comprend. Oui, na yebi ba papa na biso, esprit wana, patriotisme wana, civisme wana bazala ki nango. C'est ce qui a poussé les lotokoma soi-disant indépendants. Est-ce que c'est patriotisme wana toza nango lisusu? Toza nango des gens qui voient très bien Félix Azali ko nommé na ba poste nyonso stratégique de décision a nommé bandeko na ye ya tribu na ye tout le monde congolais nyonso azo mona aza wapi po atelema. Qu'est-ce que Félix n'a pas fait? Qu'est-ce que Félix n'a pas fait? Oh ekoyi ko tinda batuba telema basa la révolution. Qu'est-ce que Félix n'a pas fait? Qu'est-ce que Kabila n'a pas fait? Tout ce qui est indakabatu batele basa la révolution basali yango bazali ko sala yango et le peuple mouton balali non ils a élection té za révolution populaire nani abimali boswa kende to mona ye révolution bon akiti na kwemro ya mboka na bango na mbandaka ou bien na mboka na bango bandundu ou bien na katanga ou bien na kasai bon ye wana kiti kuna révolution bo ya ko sunga ngai nani. Nani atombola mosapi? Nani? Tozali koloba toyebi élection ndenge ezali. Toyebi. Mais nous voulons mettre tout le monde devant ses responsabilités. Tolini ko tchak tout le monde devant ses responsabilités. C'est triste. C'est triste avec notre pays. Pour batak o nazali ko mona contre le docteur Mukwege, je me dis moi-même, ngai pe soki na me présenter na élection présidentielle, na kozwa ba même attaque. Batak inutile. Sans soubassement. Donc, le docteur Mukwege, s'il est soutenu et respecté à l'international, ce n'est pas parce que Asala Kamusala Kona Mindele, parce que Aza Mouta Mindele, non. Respect Wana Ezali à cause ya Moussala Naye. Moi-même qui vous parle, ce qui va corriger, va respecter Angai, ce n'est pas parce que Nazali spécial, Nazali Ndengeni. Non, c'est à cause de mon travail. To banda kinga na bango confrontation. Na tchana Facebook Nangai, lettre ya Kobi Mamboka va corriger, va pesanga 15 jours. Faut quitter le pays. 15 jours. Va pesanga. Pourquoi? Parce que na critiquer bango na télévision nationale na bango. Na ABC bango comportement na bango ce qu'ils font na ba noir. Et pourtant les noirs sont venus pour défendre bango na tant en Corée du Nord ba côté la bango ti na sena poussant. Les noirs sont venus ko kufa pour na bango. Et aujourd'hui bokomi malamu vous maltraitez ba noir ba africain na mboka na bino. Immigration va passer 15 jours bima na tchango na Facebook. Muta mindela zandengwana, muta ba Korea zandengwana. Na ebisa bango na ko bimate, il semblerait bozana justice, na kena justice na fundi bango. Ba ka na justice ya Korea concernant ba paya, parce que il faudra d'abord na avocat o ayebi coréen. Leur justice bango bazalaka lokola système na biso te ba américain ou ba européen. La justice coréenne, on ne parle pas, on écrit seulement. Yo avocat na yo a commis, avocat wana a commis, ba déposer, ba juge, ba ke ba tangi, ba répondre bino. Ezala loko la biso te plaidoirie ba kende bo ba ndako débattre. Ça n'existe pas na Asie, na Japon, na Chine, na Corée, ça n'existe pas. Et ba paya, so zan avocat te, ça prend des mois pour ba décider. Mboka, et ça la ki deux semaines. cour bakati balobi c'est méchant a raison akotika la awa boko pese mukanda bazara ki na chwate et koma ki siko collaborant ah oui boye bakite ngana za mwana ngulie kam même olesa kangai so ina lobby non non. C'est ce qui fait de moi populaire na kuri. Ezate ono na kenda ko bonde la bango na kenda ko flatter non ngai na bango ezaka benda bika so ki ba moninga na télévision tout le monde s'attend que batake ezali na parlement na yebisa bango ba vérité. Je fais 3 heures na parlement, les 300 députés coréens suspendus na kati. Trois heures télévisé. Na yebisa bango ba vérité nyonso sur la vie des noirs na Corée. Na yebisa bango ba vérité nyonso sur les réfugiés na Corée. Et c'est ce qui a poussé en Asie, premier pays à part Philippines, premier pays en Asie à Est, oyo bazali na loi sur les réfugiés. Aujourd'hui, Bakebele, bazo, oui, Nazar réfugié na Corée. Mais vous voyez bien l'histoire, il y a Mukanda, il y a loi, il y a réfugié aux Anangon na Corée. Vous voyez bien Bandana Nganini. Et Bandana Moutou et Azolo Baawa. Na kaka restaurant, na parlementaire Wang. Na restaurant, Tozolia, kaka blague, kaka boy. Mais pourquoi vous avez loi? Ce que vous proposez, je vais déposer le parlement. Tokutana Tosorola, il a déposé cette loi-là. Et ça a plus ou moins 5 ans. Pour parlement, il y a eu amendé après il y a eu voté en 2013. Ce qui est un historique, il y a loi wana. Le nom de Yombi sont exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez non, laissez Mukwege. Vous avez le droit. Ya ko lobela ya ko critique ye mais boko sa te aza muta mindele sans preuve. Sans preuve aza muta mindele. Ah. Mais mes chers amis, moko quand même toti kaka diamba ko moko. Toti kaka diamba ko. Siko ngana sala ndeni. Ba photo nyoso na zana muna mindele na bwaka ngo na pasola ngo. Parce que bamboula kalamingi te tokochali baya. Ah oui, na kochali baya. Yako yebisanga ke oza eligible te. Yebisanga naza eligible te lani. Mwana ngudia kama. 100% Congolais. Kote abiki tokenda. Experience toza nango. Ah oui. Ah oui, expérience ya malobate ya rhétorique. J'ai dirigé une organisation internationale. Nazwa yango na moins de 20 000 dollars na kati na kamwa. Hein? Na yoka organisation oyo na musika. Donc, 20 000 dollars na kati. 27 membres. Ba pays, membres, 27. Ba ONG, membres, na ba pays, 27. Nazwa yango. Je leur ai dit, n'a pas changé l'organisation OYO. N'a longue organisation OYO avec 370 ONG membres à travers le monde. N'a zui yango na 27 membres. N'a tiki yango après 4 ans. N'a tiki yango na 370 membres à travers le monde. N'a tika na ba million de dollars na kati. Yango George Soros, akoutana na George Soros, nakoutana na George Soros. Par rapport à l'organisation Oyo Nazala qui président, il fallait, parce que l'organisation à George Soros, va financer la ONG. Comme Nazar président, on a demandé aide à l'organisation Naye. Balingi interview, président il faut aller. Je suis allé, Ngamoko président, secrétaire Erwana, un Australien, caissier, un Américain, Tokendati na New York. Tokendaki na New York, na Manhattan. Il fallait tout ça l'interview pour la demande y a aide tout ça. C'était aux environs 500 000 dollars on a demandé. Toko maboye ah, Bozakou tout peut-être na chance. Lui-même Joe Soros est ici. Et Joe Soros a demandé à participer Yemoko na interview na Bino. Toko tabo Joe Soros a koti. Na profil ya organisation Oyo bazo sa l'interview, président Amoni Yombi Tona. Et Joe Soros avait cru que c'était un japonais. Tovanda boye, présentation. Oh, abi, oza japonais ti? Abi, non, oza japonais ti. Oza moutouapi, ya Congo. Ah, Congo! Abi, mais Nathalie profil, nazota la profil. Mais c'est extraordinaire. Comment est-ce que tu es devenu président de l'organisation Oyo? A réalité présence nango en Afrique exacte. Et notre secrétaire a bandi ko expliquer. Evan Jones, Azawana, en Australie. Je suis allé, mais c'est. Na sepeli na batu ya boye. Batu ya boye na ninga ko travaille na bango. Alors, lelo, je suis ce qu'il a dit. Hein, en présence de tout le monde, équipe na ye. Lelo, na ko buka mi bek organisation na ngai. Ce que ba longola, nga pe ba longola. Tout le monde, ba c'est qui? Projet O, Bosengi Bongo, Bosengi, pas de discussion, $500,000. Bozo Zouango, Lelo, chèque, Bozo Kenango. Batu O, na yana bango équipe Nanga, Bakamwe. Parce qu'on s'attendait, on a demandé $500,000. Tokoyi Kozwa, peut-être moi 100, moi 150. Jo Soros a décidé 500, Nyonso, toujours Pesabino Siko. Bakomi, komi, na rezo. Non, voilà, voilà, grâce à notre président. Tokangi ba photo na Joe Soros, il a demandé lui-même. À l'époque où Joe Soros avait ko sala ma bepo na Congo. Ngai na bané ko lata pantalon ma dofolo na Congo, na Kinshasa. Je ne connaissais pas Joe Soros. Aye ba ki ngai te. Antonio Guterres, j'ai travaillé avec lui na HR na Genève, na cadre de consultation avec les ONG. À cette époque-là, Azaraki haut commissaire y a réfugié. Na le wakango a maintes reprises. Antonio Guterres me connaît de nom physiquement, même à Loti, à Yoki, même na Mungongo, à Yokinga, à Koyeba que ça c'est Yombi. Ba vidéo ya oni na Genève ezali, allez consulter, bolinga consulter te. Kaka bla bla bla, ba lobby, moutoua mindele, moutoua mindele, moutoua mindele, ça signifie quoi? Au travail na mindele, ça signifie que vous avez moutoua mindele? On va faire tout. On va donner le pouvoir à Denis Mukwege. Et de là, Bokota la gestion na ye, après boya kwa kize ye, ke non mouta mindele, ta la kati mabela Congo a pesye pa mindele, ta la kati boya pesye pa mindele. Mais maintenant c'est gratuit ba akizasyon wana. Asali ni, eloko nini a pesye pa mindele. Nini, prouvele nou. Na lobi bien, prouvele nou na ba retorik te. Bla bla bla bla te. Amenez-nous les documents. Amenez-nous la vidéo. Il y a un deal, il y a un Mukwege. Ce qui est zate, taisez-vous. Ce qui est zate, taisez-vous. Vous avez le droit. Il y a une élection. Mais nous, on évolue. Je dis bien, nous, on évolue. Toyebi Félix Makambazo sala na élection. So ki a bebisi, ndenge ba bebisa ki a Fayulu, toko zala wana devant ba responsabilité na biso. Mais pour le moment, discutons pourquoi Boponi Mukwege, pourquoi Mukwege kepo na élection. Mais koya ko kosate ki aza mutamindele, koya ko kosate, pourquoi? Vous détruisez peuple na biso o bazali faible en esprit. Vous allez vous détruire, Bango. C'est pas juste, c'est malhonnête. Est-ce qu'ils aient un na lingaka ventilation te yango bozo monanga na zot transpirer parce que naza un peu na moi flou. Flou c'est quoi na français hein? Rime hein? Quelque chose comme ça. Ya on a lingi ventilation te. Désolé. Et soyi na fungoli ba fenêtre ba bruit ya ba camion na se eko déranger live na biso. Donc excusez-moi. Vous comprenez? Donc, n'a aucun dépôt n'a possible ça. Ça fait une heure déjà, oui. N'a aucun dépôt n'a possible ça pour n'avoir mis sa bande de connions sur Oyo. Bazali n'a souci à Congo. Bazali n'a souci à comment n'a gouvernance. N'a ndenge ya bien, n'a ndenge moussous. Tome ka cette fois-ci, ko pesa pouvoir et pas ya Denis Mukwege. Parce que Denis Mukwege. Na ba rhétorique te ba blabla te approuvé amour na ye na mboka na biso a se sacrifier pendant plus de 40 ans na mboka na biso alors tomeka ye amour ya mboka azanango amour ya bandeko ne ba congolais na ba congolaise azanango esprit ya sacrifice pour na mboka na biso azanango esprit ya kosala musala maramu azanango esprit ya ko défendre mboka na biso azanango esprit ya ko mona justice malamu na mboka na biso azanango alors chers congolais nazo tuna bino question moko poto silisa awa entre la continuité de la frappe na réparation ya mboka na biso que choisissez-vous boponi nini entre continuité de la frappe na réparation ya mboka na biso boponi nini conscient esika ovandi conscient esika ozolanda ngai tribalisme ekosayote régionalisme ekosayote parce que chez moi dans les bandundu il y a des gens qui ont postulé bandeko peut-être un peu proche Muzito moi ma kile zaliti na bana nangai. Mais moi me voir choisir Muzito bandeko soko za camarade nangai siko zaliso yokinga na choisir Muzito. Luka mbongo soki na zana ngote yaka changan luka ambulance ba memanga na hôpital je suis malade. Ngai. Ko supporter mutu lokola Muzito. Mutu lokola sesanga. Soko yokingai sala tout et si koza li futa tike yaka zwanga memanga na hôpital ba traitenga je suis malade. Donc le choix de docteur Mukwege c'est par conviction. Je suis activiste des droits de l'homme, Mukwege est activiste des droits de l'homme. Je suis scientifique, Mukwege est scientifique. Je suis docteur, Mukwege est docteur. Na yebi ce que moi je connais. Mukwege o azanango yangonga na zanango il va l'utiliser pour na réparer mboka na biso. Alors yopona olingika ko za kaka boye ba frappaka mbongo ya ram ba frapper chilenjelu ba frapper projet éducation ba frapper 100 jours ba frapper nios ba frapper nomination ba frappe kaka bandeko na bango yopona entre continuité ya la frappe et continuaka na réparation ya mboka na biso. Choix et pas na yondeko. Soko zali bololete. Kanisa. Merci, mes chers amis. Pour na lelo. Ezala ki. Mwa na meni kongo. Ngudia kam. Ki yandikola. Le dragon rouge. Bye bye. Voilà, on va stopper.